J'ai beau chercher l'inspi ailleurs dans mes balafres, j'ai pas trouvé autre chose à faire que de chanter ma life ex-piaveur. Noyé dans un fût de 16, les joints succèdent. Vu que c'est la merde qu'on rap fume cesse, à l'affût je reste. Je vois plus que des buseaux perchés, des types qui mentent aux merdes par ORG. Dédicace aux frères, j'ai beau retourner la ville, on se fait yèche. Aujourd'hui, demain, on fera ce qu'on faisait hier et ainsi de suite. Violé comme la Sicile, la gloire fabrique des hyènes. Les génies se font rares ici, j'ai beau frotter la théière. J'observe par-ci par-là, la chance n'y est pas. Autant rechercher où se plante le charme chez Carla. Le sort s'acharne sur mes scarlas. Les prêts aux causes, les ganaches cherchent tous à forer Marianne en pleine ménopause. Le ghetto cause pas la même langue que les dirigeants. La misère brade l'intelligence et braque les diligences. J'ai beau chercher, cherche pas gros. J'tors du sang, j'me tue, j'connais le goût de la merde et de l'odeur du sang. J'ai beau chercher, j'les cherche toujours. T'y verras trop comme l'amour dans les yeux d'un tapin. À qui tu paieras tout, j'ai beau chercher, cherche pas. J'tors du sang, j'mordue. Je connais le goût de la merde et l'odeur du sang, j'ai beau chercher, cherche toujours, je risque pas de mourir de rire. Même la rime galère à sourire. J'en viens à croire que je porte le poids de mes années noires. Puisque je bois et que je retrouve la mémoire. Désarmez-moi à ton paradis, je n'irai pas. Car ce gars-là s'en moque. Et puis j'avance dans une carriole, tiré par deux canassons morts. Et j'irai où je pourrai. Je finirai ma vie seul au pays, loin des concerts et des conseils et de ceux qui veulent obéir. Mon président refusera tout dialogue. Mais demandez-lui pourquoi court encore le violeur d'un fils à tout dialogue. Quand nos élus s'en sortent, les mêmes se la font mettre. Nous en cellule, lui se console une pute sous 3 mètres de plafond, mec. J'ai beau me casser la tête, ma pression ne diminue pas. J'ai beau chasser la bête, mais elle revient quand les 10 minutes passent. Un max de bœufs. Pour oublier que j'ai fait de mon père un homme en colère et de ma pauvre mère un casque bleu. Le mal est fait, si je te crois ce soir, je serai défait chez les faibles. Me demande pas si tu veux quoi que ce j'ai soit. J'ai beau chercher, cherche pas gros. J'tors du sang, j'mordue, j'connais le goût de la merde et de l'odeur du sang. J'ai beau chercher, j'les cherche toujours. T'y verras trop comme l'amour dans les yeux d'un tapin. À qui tu paieras tout, j'ai beau chercher, cherche pas. J'tors du sang, j'mordue, j'connais le goût de la merde et l'odeur du sang. J'ai beau chercher, cherche toujours. J'risque pas de mourir de rire, même la rime. Galère à sourire. J'ai beau chercher à chez chance. Ouais, manger que des 16 bitumes. Des textes hardcore à tes chances. J'ai beau chercher la rime cool. J'trouve que celle qui tue, la rumeur court. Qu'il y a trop de porcs à bréchant. Nous on reste en bas de l'échelle. Vu qu'on veut pas te léger. Et un peu comme un tas de VG. Comme on blase les gènes. Y'a moins de bonhommes que de femmes légères. Et y'a de quoi finir alcoolo. Se briser la colonne à grave chéchère. Craquer le bonheur. Ça ne fait que briser les gens. Je vois courir comme un voleur. Et tout le monde vise les jambes. J'attends qu'il tombe au sol. Pour pouvoir tout lui prendre, ce sera juste la revanche d'un homme qu'il aura voulu pendre. J'ai beau chercher, cherche pas gros. J'tors du sang, j'mordue, j'connais le goût de la merde et de l'odeur du sang. J'ai beau chercher, j'les cherche toujours. T'y verras trop comme l'amour dans les yeux d'un tapin. À qui tu paieras tout, j'ai beau chercher, cherche pas. J'tors du sang, j'mordue, j'connais le goût de la merde et l'odeur du sang. J'ai beau chercher, cherche toujours. J'risque pas de mourir de rire, même la rime galère à sourire.